Nous allons parler de quelque chose que j'ai vécu en témoin, mais je n'étais pas invité à ce mariage. J'étais scout à l'époque. Les scouts devaient être représentés à la sortie, bien sûr, du mariage à la chapelle que je vous montrerai tout à l'heure des Cordeliers. Et évidemment, comme j'étais en train justement de préparer le concours de Saint-Cyr, nous n'y sommes pas allés en représentativité collective. Nous n'y sommes pas allés avec le calot des cornichons. Voilà. Alors après les brillants exposés de mes prédécesseurs, prononcés à cette tribune avec la compétence historique de ces grands spécialistes que j'ai admirés, en particulier mon prédécesseur qui a introduit le mariage que je vais vous présenter, nous avons été studieux les 3 jours comme des bons étudiants en histoire de l'Europe. Je vous en remercie, Monsieur le Président, ainsi bien sûr que le centre de recherche et Mathieu Davignat. Le président Boulet a voulu vous reposer, vous faire plaisir, vous faire un petit cadeau. Au lieu que je vous ennuie avec beaucoup de choses historiques, je vais plutôt vous raconter des choses agréables, comme évidemment peut l'être un mariage. Alors je vais. Alors attendez, il faut que je sache utiliser la machine. Je vais donc parler de la préparation du mariage, mais je vais faire en même temps un rappel de l'ascendance lorraine des Habsbourg. Je trouve que pendant les 3 jours, on ne l'a pas trop fait. Donc je vais y revenir quand même un peu. Le mariage civil, bien sûr, le mariage religieux, la liste des participants, si vous le voulez, si on a le temps. Les cadeaux, je crois qu'on n'aura pas le temps. Et je clôturerai par la messe et les fêtes des Menoces d'Or qui ont eu lieu exactement 50 ans après, c'est-à-dire le 10 mai 2001. Donc je vais d'abord parler du 10 mai 1951. Tout ça, simplement pour vous montrer ce que nous allons dire tout à l'heure concernant les blasons. La devise des Habsbourg d'Autriche est « Alles Erdreich ist Österreich untertan » A-E-I-O-U en allemand et en latin, c'est « Austrie est imperare orbi universo ». Ce qui veut dire en français « Il appartient à l'Autriche de commander à tout l'univers ». C'est très ambitieux. Et ça affiche l'ambition de la famille, mais elle fut à travers les siècles, comme vous venez de l'entendre depuis le début du colloque, toujours profondément européenne, en particulier son avant-dernier descendant, l'archiduc Otto, que nous avons eu le plaisir de connaître, vous le savez. Et si elle a été entraînée dans de nombreuses guerres au cours des siècles, c'est rarement elle qui les a provoquées, mais elle a surtout gagné les territoires par ses mariages, et plutôt par ses mariages que par ses combats. Donc en voilà un qui va vous intéresser, c'est celui de notre archiduc Otto, qui hélas n'est pas là, dont nous fêtons quand même le 100e anniversaire de la naissance. Et on remarquera que les blasons, je vais vous en montrer un après, les écussons, les armes des Habsbourg, ont toujours porté les alérions lorrains. Les alérions lorrains, ce sont les petits... Alors je ne sais pas si on peut... Non, on ne peut pas. Les couleurs de la Lorraine sont jaune et rouge, et on retrouve les alérions partout. Là, ils sont trop petits, je vais essayer de vous passer le prochain. Voilà, on va retrouver les alérions lorrains. Au-dessus, vous voyez la couronne des Habsbourg de gauche, à gauche, la couronne de Hongrie à droite. Vous retrouvez les aigles de l'Allemagne, puisqu'ils ont été empereurs d'Allemagne. Vous retrouvez l'écusson général de tout. Vous avez la Croatie, vous avez la Lorraine, vous avez la Croix de Lorraine, vous avez les alérions qui sont en dessous de la couronne centrale. Je suis navré, je croyais qu'on pouvait montrer, mais on ne peut pas. Et je vais vous parler donc des fiançailles. On a d'abord les fiançailles. Pourquoi sont-ils venus à Nancy? Pourquoi sont-ils lorrains? Et suivons mon plan et voyons comment Otto, après 38 ans de vie célibataire... Ah, c'est avec ça que je peux ? Ah oui, d'accord, voilà, point rouge. Merci. Après 38 ans de vie célibataire, a fait connaissance de Regina de Saxe-Meiningen d'une façon impromptue. Elle a demandé en mariage très vite. N'oublions pas qu'il allait avoir 39 ans. Ce qui ne l'a pas empêché de demander l'accord de sa maman. C'était important car il ne fallait pas faire de mésalliance. Connu du monde entier, il a rencontré, vous l'avez entendu, au cours de ses périples, tous les grands de ce monde, en particulier les rois, les reines de la plupart des pays, les grands militaires, j'en reparlerai tout à l'heure, dont le nancéen maréchal Lyautey, beaucoup de mes prédécesseurs ont cité le maréchal Lyautey, les présidents Roosevelt, 1941, si sa maman, sa mère, l'a vu, mais lui l'a rencontré ensuite, Eisenhower, De Gaulle, le président Boulet, mon ami va en parler tout à l'heure, et bien d'autres grandes personnalités. Ne pouvant plus rentrer en Autriche, vous avez vu qu'il avait présidé dans plusieurs pays, Belgique, Madère, Suisse, France, USA, Canada, et finalement avait pu rejoindre la Bavière, où l'impératrice Zita pouvait regrouper sa famille dans la grande maison de Pöckling, que vous avez vu apparaître aussi pendant ces trois jours. En juillet 1950, Otto visite un hôpital près de Munich, où sont soignés des Hongrois nécessiteux. On vous l'a dit aussi que beaucoup de Hongrois avaient quitté leur pays. Il y rencontre une belle jeune fille, âgée de 25 ans, qui se dévoue avec une grande gentillesse et beaucoup d'humanité pour aider ces malheureux chassés de leur pays natal. On peut penser que ce fut le coup de foudre, puisque très rapidement, Otto a décidé de faire sa déclaration et Regina, qui était donc issue d'une famille aristocratique, donc je ne vous montre pas la branche, mais vous connaissez certainement toutes les branches de Saxe, mais la branche Saxe-Meiningen, cette jeune fille avait perdu son père, déporté hélas en 44, non pas par les Allemands, mais par les Russes, les troupes russes, et décédée dans un camp russe. Tout ça parce qu'il y a eu quelques erreurs commises par la famille. Je passe les arbres généalogiques et les titres de cette jolie demoiselle, alors âgée de 25 ans, qui va donc devenir une épouse aimante et fidèle, et je vous le montrerai tout à l'heure, et assurera la descendance des familles des Habsbourg-Lorraine, dont le fils aîné Karl nous a fait l'honneur d'être là avec nous parmi nous jeudi. Je regrette parce que je vais montrer des photos de lui tout à l'heure. Après quelques rencontres entre les deux familles, l'annonce officielle des fiançailles est faite le 10 janvier 1951 par l'intermédiaire de l'agence France Presse. Les préparatifs, alors je suis lorrain, vous vous en doutez, je suis lancéen d'origine. Les préparatifs du mariage sont aussitôt lancés et très vite. Son Altesse l'archiduc Otto indique qu'il souhaite faire le mariage à Nancy, ancienne capitale de ses ancêtres, les ducs de Lorraine et de Bar. Il vient plusieurs fois à Nancy pour s'assurer que cela est possible, mais il s'assure auparavant que cette solution peut être légale et prend contact avec Robert Schumann. On a vu une lettre tout à l'heure qui m'intéresse bigrement, puisque je vais en parler aussi après l'avoir lu sur une étude qui a été faite par mon ami François Boulet. Prend contact avec Robert Schumann, ministre des Affaires étrangères, qui va l'aider à obtenir une autorisation officielle. Car effectivement, il n'est pas français, et pour se marier en France, il faut demander une autorisation spéciale qui a été évidemment accordée immédiatement, d'autant plus qu'elle était soutenue par Robert Schumann, un grand Lorrain lui aussi. Faisons vite un retour assez loin dans l'histoire et voyons pourquoi, je crois que c'est là où je passe quelque chose qui va tous vous intéresser. Alors je ne sais pas si vous arriverez à lire tout ça. Je voulais simplement vous faire remarquer, voilà, que le tableau généalogique de la maison de Lorraine va interpénétrer, comme vous l'avez entendu dire depuis deux jours, sur les Habsbourg, par l'intermédiaire de François, qui est au niveau 25. Alors, je ne sais pas si on le voit bien. C'est ici. Oui, vous le visez, là. C'est le niveau 25, François-Étienne. La lignée passe surtout par François Ier, élu empereur d'Autriche de 1745 à sa mort, en 1765, après avoir été François III de Lorraine. Et je pense que vous l'avez su, c'est toujours pas là, François III de Lorraine a dû abandonner le duché pour laisser la place à qui, vous le savez tous, au bon roi Stanislas, qui était donc roi de Pologne et qui recherchait un lieu où atterrir. Il était donc venu dans ce duché de Lorraine, surveillé évidemment par les Français, je ne vous dirai pas tous les noms qui ont surveillé, mais on savait très bien que au décès de Stanislas, le duché reviendrait à la France. Je reviens aux fiançailles. Alors, je vais aller encore plus loin. Le premier trouvé sur le tableau généalogique que vous ne trouvez plus là-haut s'appelait Gérard d'Alsace. Nous en avons discuté tout à l'heure avec le général Petiot. Nous sommes persuadés qu'il y a deux branches. Une branche Habsbourg qui vient de Suisse et avec le nom d'Habsbourg qu'elle a porté. Ah ben alors, voilà. Voilà, ici François-Étienne, voilà, et une branche lorraine qui, comme vous le savez, puisque François Ier d'Autriche a épousé Marie-Thérèse et lui a fait un certain nombre d'enfants. Et ces enfants, au nombre de 16, dont 10 qui ont vécu, ont essaimé dans l'ensemble de l'Europe. Je vous ai dit tout à l'heure que c'était par les mariages qu'ils conquéraient un peu toutes les cours et toutes les entreprises, donc vous les retrouvez un peu partout. Je vais très vite vous dire de quelle famille, dans quelle famille sont entrés. On en retrouve une partie là-dedans. Les Vaudémont, les Bars, les Limbourg, les Châtelet, les Champagne, Harcourt, Bourbon, Gueldre, on en parlera tout à l'heure, et Guise, on en a parlé avant-hier, Commercy, Mercœur, Danemark, les princes de ligne, on en a parlé aussi, Joyeuse, Gonzague, etc. On peut constater qu'à chaque niveau, des mariages royaux ont pu insérer le sang lorrain, vive la Lorraine, dans toutes les cours royales ou impériales. En direct, on trouve donc d'abord les empereurs germaniques, notre François Ier, et dont une des filles, Marie-Antoinette, hélas la pauvre, a épousé, comme vous le savez, le futur Louis XVI. J'en reparlerai aussi tout à l'heure. Et puis, évidemment, on retrouvera dans la lignée un autre François Ier, dont la fille Marie-Louise épousera Napoléon Bonaparte. Voilà. Donc, je crois que tout le monde est bien au courant de tout ce qui se passe. Et finalement, par le biais de tous les mariages et autres, nous en arrivons au père, bien sûr, d'Otto, qui était le petit-neveu de l'empereur Charles, François-Joseph, pardon, petit-neveu de François-Joseph, époux, et Charles Ier, donc, n'a régné que de 1916 à 1918. C'était l'époux de Zita de Bourbon-Parme, dernier titulaire de la souveraineté et chassé d'Autriche à l'issue de la Grande Guerre, et le père d'Otto. J'aimerais donner ici deux anecdotes pour rappeler que le maréchal Lyautey, un grand Lorrain, avait voulu citer le 21 juin 1926, lors d'une conférence qu'il a donnée ici à Versailles, à la Société des Arts et des Lettres de Versailles, et pour parler du rattachement de la Lorraine à la France. On trouve dans, vous pouvez le trouver sur tous les sites et à la bibliothèque de Versailles également. Il a cité deux exemples pour bien montrer comment, déjà avant Otto, on parlait toujours de l'ascendance lorraine des Habsbourg. Le général Lott, un Lorrain, patron du capitaine Lyautey, qui avait été en mission à Vienne de 1871 à 1875, avait reçu un jour un billet de l'archiduc Albert. « Je vous attends à déjeuner demain. Nous serons entre Lorrains. » Le lendemain, il se rendait au palais de Lovebourg, se demandant quel compatriote il allait rencontrer, et en entrant, il y trouve les trois archiducs. C'était les frères de Charles. Il y trouve les trois archiducs. « Vous voyez, lui dit son hôte, nous ne sommes qu'entre Lorrains. » Voilà, donc ce qui prouve que les archiducs se sentaient Lorrains. Deuxième anecdote, racontée toujours par le maréchal Lyautey à Versailles. « Je me rappelle, comme d'hier, le passage de François-Joseph en Lorraine, accompagné de deux archiducs, là il le savait lui, ses frères jeunes et beaux, allant en 1867 visiter l'exposition universelle de Paris. » Je ne sais plus qui en a parlé, hein, il y a deux jours. Et séjournant, comme toujours, deux jours à Nancy pour faire leur pèlerinage aux tombes des ancêtres. Je vous montrerai les tombes tout à l'heure au palais ducal et à la chapelle de Bonsecours, d'où leur aïeul René II était parti au matin de la bataille où périt Charles le Téméraire et qui sauva la Lorraine et la France, bien sûr. Le maréchal précise enfin, à la fin de son discours, le dernier empereur Charles a dit à plusieurs reprises à son fils Otto de ne jamais abandonner l'attachement des Habsbourg à la Lorraine et d'en garder toujours le titre et le souvenir. Voilà, tout ceci pour vous dire et vous expliquer pourquoi Otto de Habsbourg avait tout fait pour venir se marier à Nancy. Alors revenons aux préliminaires du mariage, vous les attendez certainement. Hein. Voilà, les voilà. L'archiduc Otto était connu dans le monde entier dès l'annonce de la date et du lieu de mariage. Tous les journaux, je ne me souviens plus si je ne l'ai pas déjà dit. La structure hôtelière à Nancy s'était avérée insuffisante. Le maire de Nancy, faut pas que je perde la boule là, a fait une annonce dans les journaux pour demander qu'on reçoive le mieux possible tous les étrangers qui allaient arriver à Nancy et si possible qu'on leur donne des chambres d'hôtes. On attend de l'extérieur environ 1500 étrangers, autrichiens, hongrois, bavarois et autres. Je vous les montrerai tout à l'heure. Ajoutant à cela plus de 300 journalistes, ainsi que les Lorrains de France venus s'ajouter aux Nancéens, attendus 30 000. J'ai vu, je ne sais plus si Madame Eva Demer l'est partie, dans son propre livre, elle a mis 80 000. Alors moi, j'ai lu quelque part de l'ordre de 50 000 personnes. Le commissaire de police Louis Vic, chef du corps urbain, a fait imprimer un livre de 60 pages pour vous montrer que les Lorrains sont très, très méthodiques. Un livre imprimé de 60 pages, distribué à toutes les forces de police. Là, j'en passe, on en trouve beaucoup plus maintenant dans les mariages actuels. Il y avait à peu près 400 policiers. L'Est républicain suit particulièrement les préparatifs et en rencontre régulièrement depuis janvier 1951. Les archives de ce journal, trouvées à la bibliothèque municipale de Nancy, aux archives municipales, montrent bien l'engouement progressif des Lorrains pour ce mariage qui allait devenir le spectacle de la décennie, tant par son retour au passé de la région que pour le goût des grandes manifestations du brave peuple de la ville. Effectivement, chacun sait qu'à Nancy, chaque fois qu'une grande manifestation se prépare, c'est toujours la place Stanislas. Les autres viennent toujours sur les grands balcons. Je vous montrerai tout à l'heure les balcons de la place Stanislas. Et c'est toujours, évidemment, avec avidité que la foule suit et voit tout ce qui va arriver. Moi-même, en 1934, j'ai assisté aux obsèques du maréchal Lyautey. Ça fait partie de mes souvenirs de jeunesse. J'en parlais tout à l'heure à quelqu'un, c'est pour ça que je le dis. C'est pas prévu. J'étais perché sur les épaules de la jeune fille qui me gardait. J'avais 4 ans. Hein, et je peux vous dire que j'ai vu toute la cérémonie, comme les Lorrains. Et c'était une très très belle cérémonie avec des Marocains en quantité, des fanfares, etc. Alors, j'en reparle des fiancés, les voilà. À mon avis, il doit y avoir une faute sur la photo de droite. Elle est marquée Nancy 10 mai. Je pense que c'est Nancy 9 mai. C'est la veille, car je vais vous en parler. Et c'est effectivement la veille qui sont arrivés de, non pas de Pocking, mais de Belgique. Voilà. Alors vous voyez derrière, ils sont jeunes et beaux tous les deux. Et vous voyez derrière les arcatures de la place Stanislas. Les fiancés sont arrivés séparément au Grand Hôtel de Nancy, place Stanislas, le 9 mai dans l'après-midi, et Regina passait la nuit du 8 dans un couvent de Metz, accompagnée de sa mère Marie-Claire. Otto venant avec sa mère Zita et une grande partie de la proche famille prennent possession de leur chambre au premier étage de ce même hôtel. Je vais vous montrer tout à l'heure. Tous les hôtels de Nancy sont pleins, tiers, 164 chambres, où seront de nombreux amis et étrangers. Aussi, la municipalité compte que la ville de Nancy, sur qui le monde entier aura demain les yeux fixés, s'associera, comme il convient, dans un esprit d'hospitalité généreuse à cette grande journée. Voilà ce que disait Lionel Pellerin, le maire, à ses concitoyens. Notons qu'un train entier a été affrété en provenance de Vienne, qu'un wagon spécial a été rattaché à l'Orient Express, s'il vous plaît, pour les nobles autrichiens et hongrois. En outre, de nombreux autocars sont arrivés en provenance de Salzbourg, Linz, Vienne, Budapest, etc., dont un pour transporter la Schützenkapelle, fanfare de Rome au Tyrol. Toutes les administrations sont renforcées. La Poste prévoit le doublement de ses effectifs, et ils ont bien fait parce que les cadeaux arrivés depuis une semaine étaient en quantité énorme et ont été exposés dans un premier temps à l'hôtel Embassy. Alors, la journée du 9 est un programme bien chargé. Je ne sais plus si j'en suis là. Ah non, pardon, ben, ça ne fait rien, on est parti. La journée du 9 a un programme déjà bien chargé, jugé plus tôt. Réception le matin à l'aéroclub de l'Est, à l'ASC des Nancy, de l'archiduc Joseph François, ancien président de l'aéroclub de Hongrie, qui avait reçu Marie Marvin, je ne sais pas si vous la connaissez, une grande Lorraine, grande aviatrice. On l'appelait la fiancée du danger, pionnière de l'aviation en 14-18, donc nombreuses médailles, je crois, une vingtaine de citations, licenciée en lettres, parlant cette langue, 34 décorations, dont la Légion d'honneur. Alors, Marie Marvin, qui avait été très bien reçue à Budapest, n'était pas là. Par contre, on a parlé d'elle, et l'archiduc Joseph François en premier. À 16h, au Musée des Beaux-Arts, vous connaissez tous, j'espère, accueil des compatriotes d'Autriche-Hongrie, réception par le docteur Jackson, adjoint au maire. À 19h30, dîner de famille à l'hôtel Embassy. Salle superbement décorée par M. Couture, avec de nombreux bouquets d'œillets aux couleurs des Habsbourg. Si vous connaissez la couleur des Habsbourg, c'est blanc et rouge. Les autres invités dîneront à l'excellent restaurant Le Gourmet Lorrain. 21h, concert de gala au Grand Théâtre, à l'invitation du sénateur-maire Lionel Pellerin et du préfet Jacques Samama. Le programme avait été magnifiquement préparé par le directeur du conservatoire, Marcel Dautremer, avec les orchestres de Nancy. Je peux vous dire que de mon temps, il y avait 4 orchestres symphoniques à Nancy. Et de la troupe de l'opéra, comédiens, chanteurs, danseurs, etc. Réception des invités au Grand Hôtel, et comme d'habitude, comme pour les Ducs de Lorraine, à 23h, Otto, Regina et les invités, je suis navré, j'ai pas de photo, dont mesdames Pellerin et Samama reviennent au Grand Théâtre pour clore la soirée et se présenter aux nombreux spectateurs depuis la loge royale. Alors, on l'appelle la loge royale, mais c'est la loge ducale. Hein. Alors, journée du mariage. J'y suis, vous voyez. L'arrivée de l'archiduc Otto au bras de sa mère, l'impératrice Zita. Vous voyez à côté des nobles hongrois. Alors je ne sais pas s'il y a des frères et sœurs, si quelqu'un pouvait les reconnaître et pourrait me le dire, ça me ferait grand plaisir. Les fiancés quittent le Grand Hôtel. Alors vous allez voir tout de suite. Regardez, voilà la mariée qui arrive. Le Grand Hôtel, est-ce que vous voyez au fond de la photo ? Et ce Grand Hôtel, pour moi, a encore une autre signification. Je vous ai parlé du maréchal Lyautey, on en parle régulièrement. C'est de ce Grand Hôtel qui appartenait à la grand-mère maternelle de Lyautey que Lyautey est tombé du balcon, est tombé sur un cavalier qui passait en dessous lors d'une grande revue pour recevoir Napoléon III sur la place Stanislas. C'est pour ça que Lyautey a eu la colonne vertébrale en grande difficulté pendant plusieurs années. Voilà, donc le Grand Hôtel est au fond. Vous voyez qu'il n'y a pas besoin de prendre une voiture pour venir à la mairie, puisque vous voyez les grilles aux portes d'or sur le côté, à côté de la préfecture, et que derrière nous, à droite, vous avez la mairie dans laquelle nos deux fiancés vont entrer. Comme le Grand-Duc de Saxe-Weimar, le père de Regina est décédé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est le Grand-Duc de Saxe-Weimar, son frère, qui accompagne la mariée. Alors voilà, cette fois-ci on voit sa tête, au Grand-Duc de Saxe-Weimar, il l'a tournée tout à l'heure. À l'entrée des fiancés dans la salle des mariages de l'hôtel de ville de Nancy, l'huissier annonce ainsi les titres des arrivants. Son Altesse impériale le Duc de Lorraine et son Altesse sérénissime, la princesse Regina de Saxe-Meiningen. L'archiduc Otto, je vous l'ai déjà dit, a fait son entrée au bras de l'impératrice Zita. À gauche, j'en profite pour vous reglisser le drapeau de la Lorraine, c'est un écusson de la Lorraine, jaune, bande traversante rouge, avec les 3 alérions lorrains. Les 3 alérions, je ne sais pas si vous le savez, c'est un des ducs de Lorraine, très ancien, d'un seul coup de flèche avait abattu 3 oiseaux. Voilà, donc ce duc était tellement fort qu'on a pris les 3 alérions comme un signe général de la Lorraine. La croix de Lorraine, vous la connaissez encore d'autant mieux grâce au général de Gaulle. Et à droite, vous retrouverez ce que je vous montrerai tout à l'heure dans la rosace, la superbe rosace des cordeliers. Et comme vous voyez, puisque c'est à nouveau un écusson Habsbourg, vous y retrouvez la Lorraine en plein milieu. Nous voilà pour le mariage civil. Regardez quel bel hôtel de ville nous avons à Nancy. Évidemment, celui qui est debout, c'est le maire. Et vous voyez le nombre de journalistes, le peu de journalistes qui ont été autorisés à entrer. Des 300 journalistes, je crois qu'il y avait une vingtaine d'accrédités. Alors, j'en suis à la journée du mariage. Il faut que je passe une page. Le maire a fait un discours remarquable. Lionel Pellerin. Son allocution mériterait, je pense, à elle seule une conférence, tellement elle était précise, détaillée sur le plan historique des relations entre la famille des Habsbourg et la Lorraine. Donc, j'en parlerai pas trop. Si vous voulez lire, lisez les livres d'Eva de Merle qui ont été édités. On retrouve intégralement le discours du maire Lionel Pellerin. Évidemment, ça a été émouvant ensuite parce qu'il a fait le rappel de la vie difficile des deux familles des mariés, l'une, les Habsbourg, par leur vie en exil, l'autre par les drames liés au nazisme et au décès du père de la mariée en déportation. Le ministre des Affaires étrangères, je reviens à François Boulay, Robert Schuman a envoyé le message suivant. Je tiens à exprimer à votre Altesse impériale et royale les vœux les plus chaleureux que je forme pour votre bonheur. À mon grand regret, je me vois empêché, par les devoirs de ma charge, d'assister à la cérémonie du 10 mai, comme je me réjouissais de le faire, et je prie Votre Altesse impériale de daigner agréer mes excuses. » Ça paraît normal. La cérémonie se termine par un concert de l'Orchestre symphonique de Nancy, le Grand Orchestre, on l'appelle, pendant lequel les mariés, leurs invités, se préparent à rejoindre en voiture l'église des Cordeliers, où les attend Monseigneur Lallier, évêque de Nancy, prêtre issu du scoutisme. Je vous parlerai du scoutisme tout à l'heure. Les princes et archiducs viennent prier sur la tombe des ancêtres lorrains de la famille dans la chapelle ronde, puis prennent place dans la nef en attendant les futurs époux. Alors là, je vais vous passer une petite série de photos. Simplement pour vous dire qu'à la chapelle des Cordeliers, les deux futurs mariés sont sur des coussins en velours dans lesquels on avait mis de la terre d'Autriche qui était arrivée 3 ou 4 jours avant. De même, on avait envoyé, là, hélas, une copie de la Vierge de Mariazell. La Vierge de Mariazell est la patronne de l'Autriche-Hongrie. Et évidemment, on l'a pris comme nous, les Saint-Germanois, comme vous le savez, nous prions la Vierge Marie depuis que Louis XV a voué la France à la Vierge Marie. C'est dans l'église de Saint-Germain. Je me suis trompé ? Non, c'est pas. C'est l'inverse. Voilà. Alors encore une ou deux photos. J'ai essayé d'avoir des photos un peu partout. Je vous signale que l'Est républicain, je dis ça aux Lorrains qui sont ici, n'a pas pu me recevoir sous prétexte que leurs archives, qui sont les plus importantes, sont actuellement en restructuration. C'est vrai, vrai ou faux? Vous connaissez ça? Voilà. Alors, la cérémonie, évidemment, est à nouveau très émouvante. Il faut peut-être que je me dépêche. Quand, après avoir entendu leur consentement et béni le mariage, Monseigneur Lallier, primat de Lorraine, à son tour prononcé une allocution de haute signification, dégageant le caractère lorrain des époux et rappelant les vertus de courage et de haute valeur morale des deux familles. Il terminera son homélie par ces phrases. « À cette action de grâce, tous ceux qui sont ici ne manqueront pas de s'unir. L'évêque qui reçoit vos consentements, les prêtres qui l'entourent, vos compatriotes qui apportent à vos altesses la présence et la douceur du pays natal, les Lorrains au milieu desquels vous avez voulu vous unir, le douloureux souvenir de ce qui, récemment encore, divisa nos patries, ne peut leur faire oublier quelle sympathie profonde, quelle vive admiration vous avez toujours gardée, Monseigneur, pour la France et pour la Lorraine. Elles nous font une obligation de prier pour vous. » Là, je crois que je vais peut-être passer. Il faut peut-être passer. Oui, voilà. Alors, puis, Monseigneur Lallier donne lecture du message de vœux du souverain pontife Pie XII. Je vous le passe. Vous le trouverez dans les textes que je remets à M. Boulet. À la sortie de la cérémonie, et c'est là où on va faire, on engage un cortège. Là, je ne sais pas si on voit bien. Je trouve qu'il me manque le haut, là. Je ne sais pas comment ça se passe. Le cortège comprend tous les invités. On va le passer. Voilà, il vaut mieux voir le cortège tel qu'il est. Vous voyez, ils sont venus depuis le fond à gauche de la place Saint-Èvre. Ils prennent la place de la Carrière. Au fond, vous avez le palais du gouverneur. Et ils vont tout droit en passant sous l'arc de triomphe qui se trouve à côté de la place Stanislas. Ça va droit, on dirait une flèche. Elle va droit sur l'hôtel de ville. Alors, vous les voyez là, regardez comme ils sont beaux tous les deux. J'en profite pour vous dire, vous voyez que Regina a une superbe, diadème, voilà, je cherchais le mot, un superbe diadème. Il lui a été offert la veille par Zita, qu'il avait elle-même reçu à son mariage, et c'était François-Joseph qui lui avait offert à son mariage cette couronne. Donc, officiellement, si vous voulez, Zita lui a remis d'une façon très émouvante, lors du dîner de la veille, la couronne en question qu'elle porte à son mariage, qu'elle-même avait portée à son mariage aussi, Zita, bien sûr. Les revoilà à nouveau, regardez, c'est toujours bien. On est à la place Carrière, et là, on est à nouveau place Stanislas. Vous voyez, les gens de la place Stanislas, évidemment, occupaient tous les balcons, les toitures, évidemment, comme d'habitude. Il y avait beaucoup de gens qui montaient sur les candélabres. Et là, vous avez un célèbre photographe de Nancy, qui s'appelait Scherbeck, qui a réussi, après, à obtenir la signature de Regina et d'Otto. Et ils ont marqué bien dessus, voilà, sur la signature, vous le lisez, Duchesse de Lorraine, Regina, et Duchesse de Lorraine, Otto de Habsbourg, duc de Lorraine. Voilà, je vous montre alors à toute vitesse, là on peut aller vite. Voilà la fameuse fanfare Schützenkapelle de Rouen. Là, elles ne, je les vois pas en train de jouer, mais je me rappelle les avoir entendues. Voilà les Schützen. Et quelques photos officielles. Voilà, la vraie, une photo officielle, une autre. Et ensuite, il y a eu un repas de noces, et vous voyez qu'elle reporte à nouveau le diadème en question. Je vous ai promis de vous passer... On a encore combien de temps, monsieur ? Moi, j'ai encore combien de temps ? Un peu de temps. Un peu de temps, ça va. Pour vous montrer, voilà, ceux qui ne connaissent pas Nancy ou qui n'ont pas visité Nancy, voilà la chapelle qu'on appelle le Saint-Denis des Lorrains, le Saint-Denis des Ducs Lorrains, car effectivement, vous y rencontrez, vous voyez, les tombeaux des Ducs de Lorraine. Vous lisez une pancarte qui est à l'entrée de cette chapelle ronde dans laquelle se trouvent les tombeaux. Ils sont quand même moins beaux que les tombeaux des Capucins, moins massifs également. Ils ne sont pas en bronze, mais en marbre. À la mémoire de Charles V, duc de Lorraine et de Bar, défenseur de la foi chrétienne et vainqueur des Ottomans inhumés dans les caveau de cette église le 19 avril 1700. Car effectivement, on rencontrera, je suis navré, là je ne fais pas un travail d'historien, mais tout au long, et comme on vous l'a dit, il n'y a pas que les deux Panges et autres, mais tout au long de l'histoire, les Lorrains sont toujours allés avec les Autrichiens et les Habsbourg défendre à la fois la chrétienté et en même temps l'Europe, l'idée de l'Europe que se faisaient les Habsbourg. Alors après, je vais aller un peu plus vite. Je vais vous repasser quelque chose. Preuve en est, on l'a dit tout à l'heure, régulièrement, plusieurs personnes, personnalités, Autrichiens, Habsbourg, sont passés voir les fameux tombeaux. Et si vous arrivez à lire, je ne sais pas si vous y arrivez, tout en bas, Marie-Antoinette, la dauphine, donc est depuis reine de France, bien sûr, prosternée dans ce même hôtel le 1er mai 1970, la pauvre, savait pas que 12 ans après elle disparaîtrait, alors adorée des Français, cette auguste fille des Césars venait orner de ses grâces et de ses vertus le trône de Louis XVI. Ben oui, bien sûr. Alors il y en a d'autres qui sont passés, Marie-Thérèse Charlotte, fille de Louis XVI, vous avez aussi l'empereur d'Autriche, François II, on l'a dit tout à l'heure, en allant... c'était en combien, je ne sais plus quoi, en 1826, pardon. François II méditait sur les ruines de ses tombeaux restaurés. Voilà, je passe. Les voilà quelques années après, mais surtout ce que je voudrais bien vous montrer, c'est la superbe famille au complet, qu'on n'a pas montré tout à l'heure, mais que vous trouvez dans tous les livres sur les Habsbourg. Charles est le petit dernier. Donc, ce qui suppose, ça vient des archives d'Otto d'Habsbourg à Pöcking. Charles, voilà. Charles doit avoir à peu près 7 ans. Il est né en 61. Voilà. Charles est né en 1961. Donc, la photo doit dater de 1968. Vous avez le petit dernier, vous voyez, qui a eu 5 filles avant les deux garçons, fort heureusement. Je passe rapidement pour les noces d'or, et puis après vous pourrez me poser des questions. 50 ans après pile, il y a donc eu les noces d'or. Les noces d'or se sont déroulées comme suit. Réunion le samedi soir dans un château que peut-être certains d'entre vous connaissent, mais que nous, les Lorrains, nous connaissons bien, d'Arrouet, qui est à quelques kilomètres de Torre-Liauté, qui est pas loin de la colonne de Sion, de la colline de Sion-Vaudémont, hein, et dont la propriétaire et la Émilie de Beauvau-Craon. Alors, ici, vous avez toute la famille que je vous ai dit tout à l'heure, et en particulier le prince Charles, qui était donc là il y a deux jours. C'est le plus grand, hein, vous le voyez. Et devant, vous voyez Regina dans une superbe robe de soirée verte. Tout le monde était en robe de soirée. Si vous regardez tout au fond à droite, on avait eu aussi, évidemment, des Schützen, qui étaient revenus aussi pour ces noces d'or, et un sitariste, qui était venu jouer des airs hongrois. Alors, je crois que je passe à toute vitesse. Ça veut marcher. Ils étaient reçus régulièrement. Vous avez parlé tout à l'heure de la famille de Pange. Ils ont été aussi beaucoup reçus par les guerriers de Dumast. Alors, c'est cet homme qui est à droite. Les guerriers de Dumast recevaient chez eux l'archiduc Otto, Et derrière, hélas, ma photo montre Minnie de Beauvau-Craon de dos. Je ne l'ai pas de face. Évidemment, vous vous en doutez, comme ils l'ont toujours fait, chaque fois qu'ils allaient quelque part, ils allaient prier sur la tombe des ancêtres. Et en même temps, là, il y avait le souvenir des 50 ans de mariage. Et vous voyez Regina déposer un bouquet à l'autel devant le nouvel évêque de Nancy. Bien sûr, ils sont passés eux aussi place Stanislas. Ils ont été reçus à nouveau par le nouveau maire. Le nouveau maire, alors attendez, il faut que je retrouve, moi je perds la boule, hein. Que quelqu'un m'aide. Rossino, oui, il y est encore, oui, bien sûr. Le sénateur maire Rossino. Et à l'issue de la réception qui a eu lieu dans l'hôtel de ville, vous voyez, il y a eu cette photo qui a été prise à l'occasion des noces d'or. Regina et Otto d'Habsbourg peuvent regrouper toute leur famille autour d'eux. Archives Otto d'Habsbourg. Mais j'ai trouvé mieux. Je suis allé chercher au centre d'image de Lorraine et on m'en a donné une en couleur. Alors en couleur, vous voyez que là, comme d'habitude à Nancy, maintenant on met trois drapeaux. Avant on mettait le drapeau lorrain et le drapeau français, bleu, blanc, rouge et jaune avec les trois alérions. Et maintenant on y ajoute le drapeau européen. Et là vous avez toute la famille sauf un, paraît-il. Hein, donc il y a au total 21 petits-enfants. Alors, il n'y en avait que 20 sur la photo. La même photo prise par un Lorrain, bien sûr. Alors, je n'ai pas su, et je ne suis pas arrivé à savoir comment ça s'était passé le lendemain. Figurez-vous que les photographes Lorrains, le club photo, a décidé de faire un film du mariage. Donc, ils ont regroupé tous les petits films qui avaient été pris avec les vieilles caméras qu'on avait avant, qui n'enregistraient rien du tout. Ils ont fait un film et ils ont non seulement offert ce film à Otto de Habsbourg, refilm du film du mariage, mais en même temps ils l'ont passé pendant que certaines cérémonies se passaient et que Otto et Regina allaient sur les balcons de l'hôtel de la place Stanislas. Tous les Hongrois qui étaient venus ont pu voir le film de 50 ans d'auparavant. Je signale que M. Jean-François Thul m'a dit, lui qui était comme moi scout, et qui est lui était 50 ans après sur place, comme moi je l'étais 50 ans avant, il m'a dit, mais moi aussi, monsieur Fournier, j'étais scout, mais moi j'ai servi la messe des noces nuptiales, les noces d'or. Donc monsieur Jean-François Thul a servi la messe des noces d'or, et merci monsieur Thul d'avoir parlé du mariage tout à l'heure, de l'avoir démarré. Une photo récente, d'une dizaine d'années d'auto. Alors je vous montre, j'ai juste établi cette chose-là. Voilà, il y a 10 ans, Otto et Regina Hesita, donc sur les fameux balcons, évidemment, et en 2011 avec le docteur Rossino. Et là, si vous regardez un petit peu dans le détail, on voit Zita à gauche, tout en haut, dans la photo en noir et blanc. Pour vous montrer aussi deux, trois choses, voilà l'hôtel de la chapelle des Cordeliers sur lequel il y avait donc Maria Zell. Si on retourne la photo, on se retrouve devant le tombeau de Philippe de Gueldre, qui, contrairement à ce que son nom l'indique, était une épouse de René II. Et vous voyez sur la rosace en haut l'écusson que je vous ai montré tout à l'heure, qui est superbe et qui éclaire bien cette chapelle. Enfin, pour vous le dire, voilà l'entrée du palais ducal, le palais ducal lui-même, et au fond, l'église Saint-Èvre. Je vous signale simplement au passage que ce sont des prêtres oratoriens de l'église Saint-Èvre qui sont chargés d'organiser la messe annuelle que l'on fait pour la famille Habsbourg-Lorraine. C'est aussi dans cette église que j'ai été baptisé. Voilà. Voilà, merci.